puisque j'aimerais savoir jouer du piano. Une belle réverb là. C'est fou hein, la musique. Où est-ce qu'on peut partir avec les sons? Tu dois composer, je suppose.